Mais ce qui devait arriver arriva. Une piétonne a été tuée en mars par une voiture autonome, un branle-bas de combat. Toutes les mises en circulation ont été interrompues et la recherche s'interroge. Est-il possible technologiquement que l'accident soit inévitable? Autre sujet cette semaine, celui du traitement des eaux usées. Un enjeu écologique et sociologique majeur compte tenu de l'augmentation de la population. Et si la meilleure solution pour permettre l'accès de tous à l'eau potable résidait dans nos reins? Et pour finir, enfin, une réponse à une question qui vous taraude secrètement depuis toujours. Mais d'où vient donc la laine du bouton? Voiture autonome, épuration et moutons laineux, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous expliquer avec le brio qu'on leur connaît, les tenants, les aboutissants, les corrélations, les causes et les conséquences de ces sujets de la semaine, nos panurges du jour sont Cécile Lestienne, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir et bonjour Mathias Casdulis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'une des têtes pensantes derrière la chaîne YouTube Projet Lutécium. Mais avant de vous retrouver tous les trois, comme le mouton, elle garde toujours une petite laine sur elle en cas de fraîcheur intempestive. C'est Zoé. C'est tout à fait moi. Bonjour Nicolas. Pour le journal des sciences, bonjour Zoé. Le journal des sciences. Et pour commencer, l'origine extrasolaire d'un corps qui est présent dans notre système solaire vient d'être démontrée. Il s'agit de l'astéroïde 2015 BZ509 et c'est un chercheur français qui a publié lundi cette découverte dans une revue scientifique. Tout à fait, c'est une découverte importante publiée dans MNRS. Alors rappelez-vous, déjà on savait théoriquement que des astéroïdes extrasolaires traversent aujourd'hui notre système solaire sans s'y arrêter. Et à l'automne dernier, on avait pu en observer un directement pour la première fois, c'était le fameux Oumuamua. Et bien exactement de la même manière, les astronomes imaginent que certains corps qui orbitent dans notre système solaire, qui sont captifs, proviennent en fait des environs d'autres étoiles, mais on n'en avait jamais identifié précisément. Et bien c'est ce que la brésilienne Helena Moraes et le français Fatih Namouni, chercheurs au CNRS, au laboratoire Jean-Louis Lagrange, ont réussi à faire avec cet astéroïde 2015 BZ509, découvert en 2014 et sur lequel ils ont commencé à travailler en 2017. On a commencé à travailler sur l'astéroïde BZ509 quand son orbite a été confirmée en 2017 par un travail publié dans la revue Nature qui montrait que l'astéroïde se trouvait près de l'orbite de Jupiter, qu'il tournait autour du Soleil dans le sens inverse des planètes du système solaire et qu'il avait une relation gravitationnelle spéciale avec Jupiter dans le fait que la période orbitale de cet astéroïde est égal à celle de Jupiter, c'est-à-dire il met autant de temps que Jupiter pour faire un tour autour du Soleil. Mais il le fait en sens inverse. Par nos travaux précédents, nous savions en fait que ce genre de relation gravitationnelle stabilise l'orbite et on s'est posé la question de savoir sur quel temps cette orbite pouvait être stable. En fait, le résultat est que cette orbite est stable sur 4,5 milliards d'années, ce qui est très surprenant. Alors, une fois qu'on a remonté le temps, nous savons qu'il est d'origine interstellaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4,5 milliards d'années, absolument tous les objets du système solaire tournaient dans le même sens autour du Soleil, parce que les planètes venaient de naître, les petits astéroïdes qu'on appelle planétésimaux qui ont formé les planètes commençaient à se disperser dans le système solaire. Mais à cette époque-là, tout le monde tournait dans le même sens. Donc comme l'astéroïde BZ509 à 4,5 milliards d'années ne tournait pas dans le même sens, il a dû être capturé par... Et si BZ509 est le premier objet extrasolaire que l'on découvre à l'intérieur de notre système, eh bien il y en aura d'autres, Zoé. Et oui, car si le temps où les astéroïdes qui passaient par notre système solaire et pouvaient en devenir captifs est bien révolu, BZ509 n'est sûrement pas le seul. Alors que les choses soient claires, ce n'est pas parce qu'un objet est rétrograde, donc il se tourne dans l'autre sens, qu'il est extrasolaire. Bien au contraire, BZ509 est de ce point de vue une exception. Mais pour mener cette simulation, les deux chercheurs qui ont publié cet article ont créé numériquement un essaim de 1 000 000 de clones de BZ509 qui évoluent dans les mêmes conditions pour à la fois mieux comprendre son histoire et peut-être identifier d'autres corps immigrés. Alors, il a fini par être captif parce qu'il est arrivé à l'époque où le Soleil et le système solaire se trouvaient donc en compagnie des autres étoiles, qui étaient bien plus proches que leur configuration actuelle, et qu'il y avait du gaz qui pouvait le freiner, et qu'il y avait aussi un bien plus grand nombre d'astéroïdes qui s'échangeaient entre les systèmes stellaires. Connaître la composition chimique de cet astéroïde va nous donner beaucoup d'informations sur la possibilité d'enrichissement des planètes du système solaire, notamment en eau. Du point de vue de la théorie, nous avons, dans notre étude, trouvé des candidats d'astéroïdes interstellaires. Ce sont des astéroïdes un peu particuliers qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune et qui ont des orbites polaires, c'est-à-dire perpendiculaires au plan de l'écliptique. Donc on peut faire les deux, on peut chercher théoriquement, en théorie, plus d'astéroïdes interstellaires dans le système solaire et certainement aller voir de plus près et déterminer la composition chimique de BZ509. En bref, maintenant, la Chine a lancé en début de semaine un satellite pour explorer la face cachée de la Lune. Son satellite relais baptisé Tietiao a été lancé lundi. Il sera chargé d'assurer les communications entre la Terre et un petit robot baptisé Change4, du nom d'une déesse de la mythologie chinoise, qui doit être déployé sur la face cachée de la Lune, jamais explorée jusqu'ici. Il sera envoyé d'ici la fin de l'année dans le bassin pôle sud Aitken, je le dis toujours mal, une zone qui est censée avoir un grand potentiel pour les recherches. Je rappelle que la Chine, d'ici à 2022, espère avoir une station spatiale habitée et envoyer à terme des humains sur la Lune. Et puis l'Allemagne lance de son côté son premier train à hydrogène, le premier au monde. Oui, et ça doit être, il doit être mis sur rail cet été. Il est propulsé par une pile à combustible, il s'appelle Coradia eLint. C'est donc ce premier train à hydrogène au monde. Il a été construit par Alstom. Il a des performances absolument identiques à celles des locomotives diesel, mais il est plus silencieux et surtout il ne rejette que de l'eau et pas un gramme de CO2. Deuxième sujet cette semaine, un laboratoire américain a réussi pour la première fois à mesurer la pression au centre d'un proton qui est, comme vous le savez, comme vous allez nous le rappeler Zoé, l'une des briques fondamentales composant la matière. Et si arriver à un résultat pareil, c'est très très difficile. Et cette pression, elle est 10 fois plus forte que la pression la plus forte connue à ce jour, à savoir celle qu'il y a à l'intérieur d'une étoile à neutrons. Alors composée de quarks et liée par des gluons, le proton est une particule très stable. On savait que la pression était extrêmement forte à l'intérieur du proton, mais c'est la première fois qu'on arrive à la mesurer. C'est le Jefferson Lab qui est parvenu à le faire et qui publie ses résultats cette semaine dans la revue Nature, et ce grâce à une technique baptisée diffusion Compton. Elle consiste à diriger des électrons dans les noyaux des atomes où ils interagissent électromagnétiquement avec les quarks qui sont à l'intérieur des protons, et c'est cette interaction qui permet de calculer la structure interne du proton et donc d'en déduire à la fois la pression qu'il y a à l'intérieur, mais aussi la répartition. Deux enjeux absolument fondamentaux, comme l'expliquait François-Xavier Giraud, c'est l'un des co-auteurs de cette étude. La semaine dernière, c'était le 100e anniversaire de la naissance de Richard Feynman. Et Richard Feynman, il nous a appris comment calculer les amplitudes en mécanique quantique en faisant des petits diagrammes qui représentent l'échange d'une particule à la fois. Alors, la chose que Richard Feynman n'a pas réussi à résoudre, c'est comment faire des calculs d'amplitude quand soit il y a beaucoup de particules en jeu ou alors l'interaction est très forte. Et dans le cas de ce qu'on a mesuré, c'est en fait les deux s'appliquent. Il y a beaucoup de particules et l'interaction est forte. Une chose qu'on peut dire, pour expliquer de façon simple, une des questions fondamentales à laquelle on essaye de répondre dans cette expérience, c'est quel est le mécanisme qui confine les quarks au sein du proton. Et c'est impossible d'extraire un quark d'un proton, ils sont toujours confinés au sein du proton. Et l'autre question qui est reliée à la question du confinement, c'est la question de la masse du proton qui est beaucoup plus grande que la masse des quarks. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré directement cette force sous la forme d'une pression. Et la pression qu'on a trouvée, elle est un trillion de millions de fois plus élevée que la pression atmosphérique. Elle est 10 fois plus élevée même que la pression au sein des étoiles à neutrons. Et à propos du centenaire de la naissance de Richard Feynman, je vous rappelle que nous avions consacré une émission entière il y a 15 jours précisément pour cet anniversaire consacré à ce célèbre et brillant physicien. On va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. En bref, Zoé, à nouveau, une première mondiale. Une équipe française réalise avec succès 12 greffes de trachées artificielles. Une réussite présentée dimanche dernier au congrès de l'American Thoracic Society de San Diego. Cette avancée des techniques de greffe a permis de guérir des patients qui vivent avec une trachéotomie. Alors il s'agit ici de trachées reconstruites, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire, puisque l'équipe du docteur Emmanuel Martineau de l'hôpital Avicenne à Paris a choisi de transformer des aortes, le plus grand canal sanguin du corps humain, en trachées, un conduit de système respiratoire. Ces aortes, elles avaient été prélevées sur des donneurs décédés, cryogénisées. Leur tissu a été greffé en plus d'un stent, une espèce de petit ressort tuteur vasculaire, à la place d'une trachée préalablement retirée, et ce, avec succès, donc sur 12 patients. La NASA a publié la première carte mondiale des ressources en eau douce qui sont menacées. Elle se base sur les observations satellites du programme GRACE, qui depuis 2002 suit l'évolution des nappes d'eau à la surface et évidemment l'eau souterraine. Le cycle de l'eau étant fermé sur la Terre dans son ensemble, eh bien, elle ne souffre pas de manque d'eau, mais la répartition de ces eaux a largement été modifiée au cours des 14 dernières années. Sur les 34 zones étudiées, 23 ont vu leur disponibilité en eau baisser, tandis que 11 ont vu leur réserve s'accroître considérablement. Le Groenland et l'Antarctique sont les deux plus grands perdants, alors que le delta de l'Okavango, le bassin amont du Nil et par exemple la forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest, eh bien, sont plutôt de grands gagnants. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, on parle de mon copain Nessie. Et oui, Nessie, ce petit monstre du Loch Ness. Alors évidemment, toujours cette question improbable. Est-ce qu'il existe ? Oui, non. Si oui, s'agit-il d'un esturgeon géant ou d'un animal préhistorique qui aurait été miraculeusement conservé ? Et bien, en tout cas, il y a un projet scientifique de grande ampleur qui démarre dans le Loch Ness. Et en substance, son slogan, c'est « Si le Loch Ness existe, eh bien, nous le trouverons probablement ». C'est une équipe internationale de chercheurs qui sont originaires de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, du Danemark, des États-Unis, d'Australie et même de la France, qui vont analyser les eaux de ce lac le plus mystérieux d'Écosse en utilisant l'échantillonnage de l'ADN environnemental. Les scientifiques espèrent établir une liste complète de tous les êtres vivants du Loch Ness. Et les résultats de cette expérience seront ensuite comparés aux autres lacs des Highlands écossais. Théoriquement, chaque fois qu'une créature se déplace à travers son environnement, elle laisse derrière elle des petits fragments d'ADN, de la peau, des écailles, de plumes, de fourrure, de sel ou d'urine. Donc théoriquement, cet ADN peut être capturé. Et donc, si le monstre existe, eh bien on le trouvera. Mais je croyais qu'il y avait déjà eu 15 études qui disaient que le monstre n'existait pas. Moi, à chaque fois, ça relance mais ma ça curiosité. Relève, mais c'est ça. Je me dis peut-être, enfin. Mais parce qu'il y a toujours des gens comme vous pour y croire. Et vraisemblablement, beaucoup de scientifiques très sérieux dans plein de pays du monde. C'est toujours une bonne nouvelle. C'est parce qu'une des plus célèbres photos du monstre du Loch Ness a été prise le jour de ma naissance. Vous voyez la corrélation. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais c'est peut-être pour ça. Plus sérieusement, peut-être une réaction à ces différentes informations aujourd'hui, qu'il s'agisse de ces objets extrasolaires, de ces migrants interstellaires qui sont dans notre système et qu'on commence à identifier. Ça ouvre un certain nombre de perspectives. Olivier, un mot là-dessus peut-être ? On se rappelle du récent formidable engouement qui avait entouré la découverte de Oumuamua. Je l'ai bien dit, puisque l'observatoire de Green Bank en Virginie avait été braqué sur lui pendant un bon moment pour voir quelle était la nature de cet objet, parce que pendant un moment on s'était demandé si c'était pas tout bonnement un vaisseau spatial, parce qu'il avait une façon de diffuser la lumière et puis cette forme très très particulière. Très allongée. Donc là, évidemment, c'est pas le cas avec celui-là qui est beaucoup moins atypique avec de par sa morphologie. Mais enfin, tous ces objets permettent peut-être d'en savoir davantage sur les conditions de formation de l'univers, puisqu'ils sont des témoins de ces instants zéro. D'autres réactions, Mathias ? Un mot sur le Journal des Sciences en règle générale, sur le calcul de la pression du proton, sur cette météorite qui vient d'un autre système. Il y a des choses qui vous ont fait réagir ? Écoutez, vous avez parlé d'eau, donc moi je ne peux que penser à mon sujet qui arrive plus tard, et du coup, pour essayer de le teaser un peu, moi je vais vous parler de comment on peut retraiter des eaux, arriver à retrouver de l'eau potable de façon efficace. Et on va voir que c'est un enjeu effectivement très très important, Cécile ? À part que moi j'ai toujours cru que Nessie était une fille, mais bon, c'est personnel. Je voulais revenir sur cette histoire de train à hydrogène qui est effectivement, je pense, une piste vraiment intéressante. L'hydrogène est une piste vraiment intéressante. Aujourd'hui, sa fabrication pose quand même quelques questions parce que ça a un coût écologique et énergétique puisqu'on le produit artificiellement, mais il semblerait qu'il y ait quand même des réserves d'hydrogène naturel et le jour où on arrivera vraiment à capacité d'hydrogène, là, va s'ouvrir une nouvelle ère énergétique devant nous. Olivier, sur ces trains à hydrogène, sur les voitures, sur les moteurs à hydrogène, qui sont effectivement un gros enjeu de remplacement des énergies fossiles. Oui, il y a la question, effectivement, comme le dit Cécile, il y a des ressources naturelles sur Terre qu'on ne sait pas encore exploiter, mais le jour où on y arrivera, ça pourrait être formidable. Il y a des questions un peu sur la stabilité quand même de ces dispositifs, mais bon, plus ça avance, plus les solutions arrivent. Sur les greffes, la réussite française, ce qui est aussi formidable, c'est qu'elle arrive après un terrible fiasco qui est pas si vieux que ça, je crois que c'était il y a un an ou deux, c'était un chirurgien italien qui disait avoir réussi lui aussi à avoir fait ça, mais en fait il avait bidonné ses données et il avait fait du mal à beaucoup de personnes sur lesquelles il avait travaillé de façon enfin c'était un vrai boucher quoi. Donc cette piste de chirurgie semblait elle était mal engagée quoi. Donc c'est très elle était mal engagée. D'ailleurs le médecin dit qu'il est effectivement qu'ils ont été très surpris du résultat, de la manière dont ces aortes sont devenues véritablement crachées avec la construction d'épithélium très très rapidement, et effectivement ça succède à un vrai fiasco. Et un quart de seconde sur le Loch Ness, vous savez qu'on a découvert un monstre du Loch Ness il n'y a pas très longtemps. Dites-moi. Non, ce sont les restes de la maquette qu'a utilisé Billy Wilder pour son film La vie privée de Sherlock Holmes, qui a été tourné là-bas sur le Loch Ness. Ils avaient utilisé un monstre, ils ont laissé tout sur place. Et il y a quelques temps, on a trouvé avec des sonars cette forme de serpent, mais c'était pas le bon. Pas besoin d'analyse d'ADN, il suffit de Olivier Lascar et de Billy Wilder pour retrouver le monstre du Loch Ness comme quoi. Merci beaucoup Zoé, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et premier sujet de cette table ronde du vendredi, le 18 mars dernier à Tempe, dans l'Arizona, une piétonne de 49 ans a été tuée par une voiture autonome qui l'a renversée alors qu'elle traversait une avenue hors d'un passage piéton. Le constructeur automobile Toyota qui est impliqué dans cet accident a immédiatement retiré de la circulation tous ses modèles expérimentaux, de même que son concurrent Uber. Alors est-ce que c'est un coup d'arrêt temporaire, à court, à moyen ou à très long terme pour la mise en circulation de ces fameuses voitures autonomes dont on nous parle beaucoup et qu'on nous vend comme l'avenir de la voiture individuelle, Olivier? Disons que c'est un événement funeste qu'on attendait, on savait que ça allait arriver, c'est arrivé. Ça sera pas le coup d'arrêt des expérimentations sur route ou même ailleurs, de la voiture autonome. Vous l'avez dit Nicolas, Uber a décidé d'arrêter tous ses essais sur route en Amérique du Nord, Toyota, Nvidia, qui est un fabricant de cartes graphiques et de dispositifs qui sont utilisés dans les voitures autonomes pour comprendre ce qui se passe autour de la voiture. Mais à côté d'eux, quantité d'autres acteurs continuent à travailler. Il ne faut pas négliger celui qui est peut-être le principal d'entre eux, c'est cette émanation de Google qui s'appelle Waymo, puisque la voiture autonome a commencé avec la Google Car en 2009, et d'année en année, la structure a muté, c'est devenu une société qui s'appelle donc Waymo, qui aujourd'hui se targue ou se félicite, je sais pas quel bon verbe, d'avoir un cumul de 8 millions de kilomètres roulés sur route réelle avec des voitures autonomes et 8 milliards de kilomètres sur simulation. Et aujourd'hui, Waymo lance dans la région de Phoenix, en Arizona, c'est toujours l'Arizona où sont faites ces expérimentations pour des raisons législatives, mais donc lance en Arizona un service pour le grand public. On peut aller sur le site de Waymo et dire je suis un couple, j'ai besoin d'une voiture le matin pour amener mes enfants à l'école. C'est pas pour faire la navette sur un petit, une petite voie très très balisée. Donc non, il y a des acteurs qui avancent avec diligence sur cette question-là. Donc ça, c'est pas du tout le temps d'arrêt de la voiture autonome. Et est-ce qu'on sait exactement ce qui a dysfonctionné dans ce cas précis? On a mis du temps. On a mis du temps, mais le scénario s'affine au fur et à mesure. Il semble que le dispositif de vision, les capteurs, qui sont ces caméras, ce lidar, c'est-à-dire une agrégation de lasers qui vont donner une image de tout ce qui se passe autour de la voiture, les sonars, tous ces dispositifs ont vu la piétonne, mais c'est le cerveau de la voiture, son algorithme, qui a considéré qu'il s'agissait d'un faux positif, c'est-à-dire une fausse alerte, et qui, en conséquence, a décidé de ne pas s'arrêter. Donc c'est un problème de l'algorithme. Ça illustre bien le fait que ces algorithmes d'intelligence artificielle sont, en l'état actuel des choses, imparfaits. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on multiplie actuellement les capteurs qui sont tout autour de la voiture. Aujourd'hui, certains modèles de voitures autonomes peuvent avoir des dizaines de capteurs différents parce que on considère qu'en ayant comme ça plein quantité de toutes petites fenêtres sur l'environnement immédiat de la voiture, en fusionnant toutes ces données, on peut avoir l'image kaléidoscopique la plus précise possible de l'environnement de la voiture. Et donc, alimenter de la façon la plus pertinente ces algorithmes qui, du coup, seront enclins à de moins en moins se tromper. L'un des problèmes qui est soulevé suite à cet accident, c'est que ces algorithmes, c'est ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on leur apprend un nombre de cas, des millions et des millions de cas. Le problème, c'est que sur la route, les paramètres sont tellement importants qu'il est strictement impossible de leur apprendre tous les cas, c'est-à-dire de leur apprendre à réagir à n'importe quelle situation, à n'importe quel combo de situations. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions qui se dessinent pour résoudre ce problème-là, qui est un problème, a priori, insoluble? Alors, d'abord, c'est vrai que les voitures autonomes, dans la plupart des cas, elles sont utilisées dans des conditions optimales de fonctionnement. Alors ça ne veut pas dire même pas d'un franc beau temps avec un grand soleil comme on peut l'avoir aujourd'hui à Paris, mais plutôt une luminosité avec un ciel un peu bouché, parce que un grand soleil, ça fait beaucoup d'ombre portée et les changements brusques de luminosité, ils sont très dommageables pour la voiture autonome. Les sorties de tunnel par exemple, ça n'aime pas la voiture autonome? Non, elle n'aime pas ça du tout. Donc il y a la multiplication des données et apprendre à l'algorithme, apprendre les meilleures décisions possibles. À cet égard, il y a une expérimentation très très intrigante, très stimulante, qui a été lancée par un prof de Toulouse, qui est aussi au CNRS, un outil qui est sur Internet, qui s'appelle Moral Machine, qui permet de tester des scénarios d'accident sur la route dans laquelle la voiture autonome est face à un dilemme. Est-ce que elle doit écraser les chiens qui passent au milieu de la route, etc. Ou alors elle fait une embardée. Bon, bref. Et ce sont les internautes, en fait, les humains, qui donnent leur point de vue, la réponse que eux apporteraient à ces situations. Et aujourd'hui, il y a 40 millions de scénarios en un an, 40 millions de scénarios qui ont été testés auprès des personnes venues de centaines de pays différents. Et ça, ça permet de montrer qu'est-ce que des opérateurs humains jugent comme étant les meilleures solutions face à ces dilemmes de la route. Parce qu'il y a quand même un truc qui est très particulier avec la voiture autonome. On prête beaucoup de qualités et de fantasmes, on raconte beaucoup de choses sur la voiture autonome, mais il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, dans la mesure où c'est quand même la première fois qu'on donne complètement à une machine la possibilité de faire un choix sur lequel va se jouer une vie humaine. Prenons un exemple, par exemple, d'algorithme qui serait utilisé pour organiser la gestion des malades dans un service d'urgence. On a des gens qui arrivent dans des états très alarmants, il faut savoir qui on va traiter le premier ou pas. La machine fait des choix, mais là, il peut toujours y avoir en deuxième niveau, le point de vue de l'homme qui va dire s'il a fait le bon choix ou il n'a pas fait. Là, dans la voiture, ça se passe tellement rapidement que ce n'est pas possible. Donc, à cet égard, la voiture autonome, c'est nouveau. C'est une révolution, c'est un changement de paradigme. Il y a quelque chose d'intéressant, finalement, parce que ce qui s'est passé vraisemblablement dans ce cas d'accident mortel, c'est un problème de conflit entre des informations apportées par les différents capteurs. Et l'une des solutions qui est avancée, c'est de dire, eh bien, écoutez, c'est simple, il suffit que dès que l'un des capteurs identifie un obstacle et qu'il est, même s'il est mis en minorité par les autres capteurs, eh bien, la voiture s'arrête ou l'évite. Est-ce que c'est une solution ou pas? Ça ne l'est pas non plus, parce que on peut arriver à des situations où la voiture s'arrête tout le temps ou ne démarre plus. Prenez une circulation très encombrée, les rues de Paris, où n'importe quel objet peut être considéré comme un obstacle, on pourrait arriver à des situations où les voitures n'avancent plus. Donc, comme le disent certains des experts qui sont interrogés là dans le papier de Science et Avenir qui est en kiosque actuellement, il va falloir apprendre à l'algorithme à tirer sur la corde, à jouer avec ses limites et à aller vers une conduite qui soit la plus humaine possible. Sans basculer du côté obscur de la conduite. On sait aujourd'hui que 90% des accidents sur route sont dus au conducteur. Un facteur humain. Un facteur humain. Ouais. Rappelons qu'en 2017, il y a 3963 personnes qui sont mortes sur les routes en France. Et ce que disent les experts de la voiture autonome, c'est non pas qu'avec la voiture autonome, on va arriver à zéro accident, mais si on pouvait arriver, par exemple, à une diminution par deux de ce nombre de morts, ce serait déjà merveilleux. Et à l'échelle du globe, encore plus, évidemment. Une question que vous soulevez qui est intéressante, c'est effectivement la rigidité de ces algorithmes, puisqu'il est évident qu'on apprend à ces algorithmes à respecter le code de la route. Or, nous savons tous, dans notre pratique courante, que le code de la route, en tant que conducteur humain, eh bien, on en a une interprétation plus souple, notamment parfois pour parer à des dangers, pour parer, on est obligé de mordre sur une ligne blanche pour dépasser quelque chose, même si c'est interdit. On sait que nous, on peut s'adapter vis-à-vis de ce code de la route. Comment faire pour qu'un algorithme puisse précisément s'adapter et ne pas mettre en danger la vie d'autrui simplement pour éviter de doubler, je ne sais pas, sur la droite ou de mordre sur une ligne blanche? Je dirais que pour l'instant, finalement, on n'a pas cette réponse. Parce que on est là dans un scénario de voiture autonome qui est la voiture autonome ultime, qui est ce monde de navettes qu'on nous promet à longueur de papier, avec des voitures qui ne sont plus la propriété de Monsieur Dupont ou Monsieur Durand. Elles appartiennent à tout le monde. On les appelle avec son appli. Elles viennent vous chercher. Quand on a fini, elles vont chercher quelqu'un d'autre. Ce monde de navettes... De circulation entièrement connectée, de ville intelligente. On en a beaucoup parlé aussi dans l'émission. Mais le problème, tout le problème, c'est le problème de la transition vers cette ville intelligente et connectée. Et si on parle de transition, justement, c'est parce que la SAE, qui est la plus grande association d'ingénierie automobile, a suggéré des paliers dans l'avènement à la voiture autonome ultime, des paliers qui ne sont pas des normes, qui n'ont pas été adoptées ni par des pays, ni à l'échelon international, mais il va falloir qu'on y arrive à un moment donné, sinon la voiture autonome, elle sera une certaine définition dans un pays, une autre définition dans un autre. Bon, donc il y a des paliers. Et là, le palier numéro 5, le palier ultime, c'est celui que vous, dont on parle maintenant, Nicolas, c'est ce monde de navettes. Mais avant cela, il faudra qu'on arrive, et c'est plus de ça dont il est question aujourd'hui, mais c'est moins vendeur dans sa présentation que la voiture autonome ultime. Mais la voiture autonome, ça va d'abord être une auto pour laquelle, dans certains scénarios, dans certains types d'usages, les embouteillages, pour se garer dans un parking. Donc, à des moments très particuliers, on pourra laisser la voiture diriger. Mais on reprendra le contrôle du véhicule très rapidement dès qu'on arrivera dans des situations qui sont plus aléatoires. Donc, un ingénieur disait, avec le jargon des ingénieurs, que les questions que vous évoquez sur, pour arriver à la voiture navette, c'est des questions qui ne sont pas encore adressées. On ne travaille pas encore dessus, finalement. On travaille à passer du niveau 2 au niveau 3, c'est-à-dire de la voiture dans laquelle le pilote a encore les commandes, c'est lui qui a toujours le dernier mot, mais la voiture a une certaine forme d'autonomie, elle contrôle la direction, elle contrôle la vitesse, mais l'opérateur devra pouvoir remettre les mains très rapidement dessus, à une voiture de niveau 3, où on aura considéré que, effectivement, on peut faire glisser la maîtrise du véhicule de l'humain à la machine, avec une voiture qui aura des phases d'autonomie beaucoup plus grandes. Mais ça ne sont que des phases. Se pose aussi le niveau d'exigence, de tolérance collective vis-à-vis de ces nouveaux véhicules. Là, on en parle et effectivement, beaucoup d'arrêts ont été interrompus suite à un drame, c'est-à-dire à une mort humaine. Une mort humaine d'une voiture autonome. Pendant ce temps-là, combien de morts humaines de la main de conducteurs tout aussi humains ? Ça veut dire qu'on ne peut tolérer la voiture autonome qu'à zéro mort absolue. Si c'est le cas, c'est la mort de la voiture autonome, puisqu'on n'arrivera pas à ce type de score. Le gouvernement allemand a, il y a quelque temps, fait faire une étude à un collège de philosophes, de spécialistes de l'éthique sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il est acceptable de faire ? C'est intéressant parce que ça amène à des choix qui seront déterminants. Par exemple, ce collège de spécialistes s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas discriminer un usager de la route, un piéton sur son âge, par exemple. On ne pouvait pas considérer que parce qu'on a face à soi des enfants ou qu'on a des enfants dans la voiture, que la voiture autonome devait à tout prix sauver les enfants. En premier. Parce que ça impliquerait évidemment l'inverse. C'est bien là que ça pose problème. Ça veut dire que la vie de quelqu'un de plus âgé a moins de valeur que la vie de quelqu'un de plus jeune et ça pose évidemment un problème. Voilà, et les spécialistes allemands dont je parle là ont dit c'est impossible de faire ça. Pourtant, justement, le test moral machine, je répète, 40 millions de scénarios testés. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Les résultats vont être publiés dans des revues spécialisées dans le courant de l'année 2018. Donc on ne sait pas encore très précisément ce qu'il y a dedans, mais il y a quand même un élément qui ressort de façon prégnante, ce sont les enfants justement. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde qui sont testés sur ces questions-là, on considère qu'il y a une priorité, que la voiture autonome devra avoir une priorité, c'est sauver les enfants. Les enfants qui sont dans la voiture, les enfants qui sont devant la voiture, mais la tolérance de la société face à des drames qui feraient intervenir des enfants, ça sera zéro, quoi. Ça pose des questions, les enfants, c'est jusqu'à quel âge ? par exemple. Ça dépend des enfants, hein. Il y en a qui... Cécile, tout dépend des adultes. Rapidement, peut-être un mot aussi pour souligner qu'INRIA vient de publier un livre blanc à ce propos en début de semaine. Oui, parce qu'en France, c'est l'effervescence sur ces questions-là. L'INRIA... qui est ce grand institut de recherche publique sur l'informatique et le numérique, quoi. En gros, vient de présenter ce rapport qui pose des questions qui sont pas révolutionnaires, ça c'est ce qu'on vient de dire ici, qui pose quand même la question du piratage et de la du fait qu'on pourra pas dégrader les infrastructures, puisque dans le contexte européen surtout, on considère que la voiture autonome c'est quelque chose qui dialogue beaucoup avec les infrastructures, avec la route. Il ne faut pas pouvoir casser la communication 5G qui va s'inscrire entre ces différents interlocuteurs. Sinon, enfin voilà. Et donc, l'INRIA pose ce type de questions aussi. Il faut rappeler que le président Macron a mis l'histoire de la voiture autonome au premier plan aussi, en disant qu'il voulait faciliter les expérimentations sur route dès 2019. Il y a le rapport d'Anne-Marie Idrac qui vient d'être remis à la mi-mai. Anne-Marie Idrac aussi, ancienne ministre, ancienne... président de la SNCF, qui s'y connaît dans les questions de mobilité. Et donc, il est question vraiment de modifier la loi. Il y a une expérimentation qui va être faite à Paris sur l'A1, l'A6, sur les voies d'arrêt d'urgence, pour faire circuler des navettes dans l'idée de les utiliser au moment des Jeux Olympiques de 2024. Cécile, un mot sur la voiture autonome. C'est un sujet passionnant, on le voit bien, oui. Parce que c'est un sujet technologiquement passionnant, compliqué, mais qui pose aussi un nombre de questions philosophiques intéressantes. Ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est vrai qu'il faut avancer parce que c'est intéressant, et aussi parce que vous avez rappelé le nombre de morts, parce que 4000 morts en France l'année dernière, mais il ne faut pas oublier les blessés non plus, 30 000 dont plusieurs milliers vont rester paralysés toute leur vie. Donc voilà, donc il y a un effort à faire de toute façon. Mathias ? Moi, ce que je trouve intéressant, pardon, du point de vue technologique, c'est que il me semble qu'il y a vraiment un choix à faire au tout début, dans le sens où les algorithmes derrière ces voitures, en fait, c'est des algorithmes d'apprentissage statistique. Il faut leur montrer de plus en plus de situations pour qu'ils apprennent à conduire. Du coup, à moins qu'on choisisse de mettre sciemment des voitures autonomes à côté de vraies voitures, elles ne pourront jamais apprendre ces situations. Donc, à mon sens, effectivement, il y a cette question de est-ce qu'on arrête maintenant ou est-ce qu'on continue et qu'on essaie de les améliorer. Et dans ce sens-là, il va y avoir forcément un effet aussi de seuil, c'est-à-dire que plus il va y avoir de voitures sur le marché, plus il va y avoir de voitures sur la route, plus les algorithmes vont apprendre, plus on va pouvoir tendre vers l'infini, c'est-à-dire tendre vers l'infini de situations jusqu'à un moment donné où finalement on va peut-être pouvoir l'atteindre, Olivier. Moi, je pense qu'il faut le croire et il faut l'espérer parce que c'est fondamentalement la question de la sécurité routière qui est posée là, et la voiture autonome, c'est une réponse à une plus grande sécurité sur les routes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Mais oui, Drive My Car des Beatles, puisqu'on vient longuement de parler de la voiture autonome, c'était l'occasion de se faire un peu plaisir. On va changer de sujet complètement, puisque depuis le début de cette phrase, à l'instant, depuis exactement, plus de 50 000 litres, certainement 100 000 litres d'eau usée maintenant ont été rejetés dans le monde. Et d'ici la fin de cette émission, dans un peu moins d'une demi-heure, on aura dépassé les 40 millions de litres. À raison de 23 000 litres par seconde, il faut dire que le compteur monte très très vite, et ce qui donne un aperçu de l'enjeu que constitue la filtration et l'épuration de ces eaux usées. Aujourd'hui, ces eaux sont traitées, lorsqu'elles le sont, par un processus de filtration qui utilise le phénomène d'osmose inversée. On va en reparler dans un instant, mais ce procédé va peut-être pouvoir être amélioré par biomimétisme, et oui, en s'inspirant de nos reins, Mathias Casulis. Oui, c'est ça. Donc, avant de parler de l'inspiration des reins, je parlais un peu d'osmose, effectivement. Racontez-nous comment ça marche. L'osmose directe, pour commencer, c'est ce qui se passe si on met deux fluides, l'un riche en quelque chose, par exemple en sel, et l'autre plus pauvre en sel, de part et d'autre d'une membrane qui laisse passer l'eau, mais pas le sel. Dans ce cas, en fait, ce que le système va essayer de faire, c'est qu'il va faire couler de l'eau douce vers l'eau salée. Il y a une pression qui va s'établir. Et ce phénomène, ce qu'on appelle l'osmose. Et typiquement, ça, c'est ce qui se passe si vous mettez du sel sur un concombre. Le concombre va dégorger. Ou sur un escargot, mais c'est exactement beaucoup plus méchant. Oui. Et l'osmose inversée, maintenant, ça consiste à appliquer une pression du côté de l'eau salée plus forte que la pression créée par cet écoulement, de façon à faire passer de l'eau du côté salé vers le côté doux. Et donc, on récupère de l'eau douce à partir d'eau salée. Et donc là, j'ai pris l'exemple de l'eau salée, parce que c'est le cas simple. Mais bien sûr, on peut mettre à peu près n'importe quoi dans l'eau et ça marche de la même façon. Le défi avec cette méthode, c'est qu'en fait, il faut appliquer une pression d'un côté. Donc, il faut dépenser de l'énergie. Et en général, il faut appliquer de grandes pressions. Et la raison derrière ça, c'est qu'il faut arriver à faire passer l'eau par la membrane qui est au milieu. Cette membrane, qu'est-ce que c'est ? C'est un milieu très poreux où il y a des tout petits trous qui, justement, vont laisser passer plutôt l'eau et un peu moins le sel. Et il y a plein de façons d'améliorer cette membrane, mais en pratique, le domaine des sciences qui est concerné par l'amélioration de cette membrane, c'est le domaine des écoulements fluides à la toute petite échelle. Ici, à l'échelle souvent du nanomètre, donc la taille que font à peu près une dizaine d'atomes mis bout à bout. Et c'est ce qu'on appelle la nanofluidique. Très original. En même temps, ça décrit bien ce que ça veut décrire. Ce qui est intéressant, c'est que ce principe d'osmose inversée, donc aujourd'hui, c'est le principe utilisé majoritairement dans le traitement des eaux usées. C'est l'un des traitements utilisés. En fait, ce n'est pas le seul. Il y a des traitements chimiques, il y a des filtrages plus habituels. Mais effectivement, on utilise beaucoup l'osmose inversée pour traiter les eaux. En bout de chaîne, en fait, une fois qu'on a détruit les gros morceaux, qu'on a enlevé tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Or, aujourd'hui, ce qui est intéressant, donc, c'est que ce traitement par osmose inversée, il a certains inconvénients, en fait, pour le traitement des eaux usées, en l'occurrence. En fait, l'inconvénient majeur, enfin, mis à part qu'il faut des traitements en amont, bien sûr, l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut appliquer des énergies énormes pour le faire. Et en fait, justement, le nœud du problème, c'est cette membrane, parce que l'eau douce, c'est de l'eau douce, l'eau salée, c'est de l'eau salée, et puis on met ça dans un tube. Bon. Et cette membrane, ce qu'il faut comprendre, c'est que ses propriétés sont vraiment liées aux petits trous qu'il y a dedans, à ses pores. Donc, pour essayer d'améliorer cette membrane, et donc de dépenser moins d'énergie, il faut aller s'intéresser à ces écoulements dans des tout petits pores. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis un certain temps, depuis qu'on arrive à faire de la fabrication à l'échelle du nanomètre. Donc ça, c'est à peu près 20 ans qu'on arrive vraiment à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait certains phénomènes très intéressants qui se produisaient à cette échelle si on arrive à choisir les bons matériaux. Et en particulier, il y a un palier dans ce domaine, ça a été l'étude des nanotubes de carbone. Donc on prend du carbone, comme sur une mine de crayon, puis on en fait des tout petits tubes. Mmh. Et la particularité de ces tubes, c'est que l'eau arrive à y passer à la queue leu leu. Elle passe dans le tube, molécule après molécule, et avec une résistance très très faible. Il faut très peu pousser dessus. Du coup, on arrive à avoir quelque chose qui est extrêmement sélectif, parce qu'essentiellement, on arrive à faire passer que de l'eau, quasiment rien d'autre, et sans pousser trop fort. Et ça change un paradigme très très habituel dans le domaine de la filtration, parce qu'avant ça, en fait, le paradigme, c'était ce qui se passe quand on a une passoire. On veut égoutter des pâtes. Bon, si on a des gros trous, il y a des chances que des pâtes passent. Donc on met des plus petits trous. Comme ça, il y a plutôt de l'eau qui passe. Mais par contre, il y a moins de débit. C'est la passoire des Shadok, dont vous vous souvenez peut-être. En tout cas, si vous n'en souvenez pas, on va mettre le lien sur le fil Twitter. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour améliorer ces processus de filtration, il y a ce système de nanotubes de carbone. Mais les chercheurs s'intéressent donc, à un organe qui fait ça très très bien, avec très très peu d'énergie et qui filtre remarquablement bien. Ce sont nos reins. Exactement. En fait, ce dont je vais parler, c'est essentiellement l'émanation d'une équipe de l'École Normale Supérieure de Paris, l'équipe de Lydéric Boquet, qui lui travaille sur la nanofluidique, les surfaces, les pores, etc. depuis une quinzaine d'années. Et puis depuis à peu près 2 ans, il s'intéresse aux reins. Donc pourquoi ? Parce que en fait, des systèmes de nanofluidique, il y en a une infinité de possibles. Et c'est intéressant d'essayer de se tourner un peu vers ce qui existe déjà. Et donc au détour d'une conversation, un jour, on lui dit « Mais tu sais que le rein, c'est un système de nanofluidique ?» Et effectivement, c'est un système qui est assez incroyable parce que dans nos reins, il y a une partie en particulier, donc là aussi, c'est après plusieurs traitements, où cette partie qui s'appelle le néphron, un organe en forme de S, qui voit à l'entrée passer un mélange d'eau, d'urée et de sel, et qui arrive à récupérer absolument tout le sel qu'il a en entrée, ça fait à peu près 1,5 kg par jour, et 99% de l'eau qu'il a en entrée pour le recycler dans le corps. Donc il voit passer 200 litres d'eau par jour, et il arrive à en récupérer 99%. Il n'y a que 2 litres qui ressortent sous forme d'urine après. Et alors du coup, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça intéresse précisément pour éventuellement de futurs nouveaux et plus efficaces systèmes de filtration ? Donc la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que ce système, il utilise beaucoup moins d'énergie par volume d'eau que le système qu'on connaît. En fait, pour prendre un système directement analogue, ça utilise 1000 fois moins d'énergie qu'un système de dialyse donc externe quand on a des insuffisances rénales. Et de façon qu'on comprenait en fait quasiment pas du point de vue physique jusqu'à l'année dernière. Et la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est donc l'équipe de Hyderic Bocquet avec une doctorante, Sophie Marbach, qui s'y est intéressée. Et ils se sont rendus compte que dans ce système en S, en fait, selon la paroi du S sur laquelle on est, bah, il n'y a pas le même genre de canaux. Il y a aussi des tout petits canaux, mais ce n'est pas les mêmes. En fait, sur la première partie, il y a ce qu'on appelle des aquaporines. Donc, c'est essentiellement un peu comme juste des nanotubes de carbone. On a des petits canaux qui laissent passer que les molécules d'eau, une à une à peu près. Mais ces canaux, ils sont passifs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune énergie injectée. Il est juste passé l'eau en suivant les gradients de concentration comme de l'osmose. C'est-à-dire que si l'eau est plus salée en face, bah, l'eau va aller vers l'extérieur. Le problème, c'est que du coup, bah, il faut du sel de l'autre côté. Or, le sel, a priori, au début, il est plutôt dans l'eau qu'on est en train de traiter. On est en train d'essayer de filtrer. C'est ça. Mmh. Et du coup, dans la deuxième partie de ce système, sur la deuxième branche du S, il y a un deuxième type de canaux qui est, lui, plus intéressant, finalement. C'est ce qu'on appelle des canaux ioniques. Donc, ces petits canaux, en fait, c'est des petites pompes qui vont aller chercher les ions qui sont, en fait, le sel en solution et qui vont, en dépensant de l'énergie chimique, arriver à les faire passer vers l'extérieur. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le rein arrive en utilisant ces canaux actifs qui vont donc enrichir en sel le canal vers lequel on récupère l'eau, arriver à activer l'osmose des canaux passifs. Donc en fait, on dépense un peu d'énergie, c'est un peu contre-intuitif, on dépense de l'énergie, ça doit être moins efficace, mais en fait, ça permet d'activer un processus passif et d'utiliser un processus physico-chimique tout à fait gratuit dans le système. Donc le premier travail sur ce système, pour l'équipe de Hyderic, c'était de comprendre théoriquement ce système, parce qu'on avait une idée de toutes les molécules, toutes les protéines mises en jeu, mais pas du phénomène physique. Il a réussi à mettre ça en équation. C'est un truc horrible avec 15 équations couplées, mais on arrive au bon nombre à la fin. C'est pas horrible 15 équations, qu'est-ce que vous racontez? On va encore se faire des ennemis avec les mathématiciens. je vais me faire des ennemis surtout dans son équipe, je pense. Mais donc, ils ont réussi à mettre ça en équation, à trouver les bons nombres. Effectivement, en mettant tout ce qu'il faut, on arrive à récupérer 99% de l'eau et 100% du sel avec cet usage couplé de canaux actifs et de canaux passifs. Et la forme en S qui est aussi intéressante, pour avoir plus de contacts possible. Mais le défi technologique maintenant, c'est d'arriver à reproduire ça. Et alors, est-ce qu'on y arrive? Parce qu'en général, quand on essaie de faire du biomimétisme, on se rend vite compte des limites et au contraire de l'excellence de notre système humain ou biologique et qu'il est très difficile souvent à reproduire en laboratoire. Alors effectivement, ici, si on essayait de refaire exactement le même système, ce serait très compliqué. En fait, la partie compliquée, c'est ces pompes ioniques. Parce que c'est un système de protéines assez compliqué qui utilise de l'énergie chimique. On n'a pas forcément envie de remettre des molécules particulières du vivant dans nos systèmes. Et du coup, ils se sont posés la question de comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire passer des ions de façon un peu sélective dans un système artificiel. Et pour faire ça, en fait, ils ont eu une idée assez amusante. C'est qu'on sait faire plein de choses qu'on comprend de mieux en mieux, mais encore assez mal. Mais ce serait intéressant d'essayer d'utiliser un système simple, le plus simple possible. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à imaginer un système où, dans une paroi, on creuse une petite porte. Donc une porte un peu comme une chatière, en fait, dans une porte. Et sur cette chatière, on met une espèce de petit moteur, un petit piézoélectrique. Donc en appliquant un courant, on le fait osciller. Et en fait, selon la vitesse à laquelle cette porte oscille, ça va avoir tendance à sélectionner certains ions qui vont arriver à passer. En fait, l'idée, c'est un peu comme dans une porte tournante. Si vous avez des portes tournantes, si elles tournent extrêmement vite, bah, si vous avez un peu de mal à marcher, vous n'arrivez pas à arriver à passer au travers. Alors que si vous avez Usain Bolt, bah là, vous allez passer dans la porte sans aucun souci. Et c'est un peu ce type de sélection qu'on va faire par des propriétés en fait électriques des ions. On va sélectionner les ions qui ont la plus grande charge, la plus petite masse, la plus grande mobilité, qui vont avoir tendance à passer. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces petites portes, bon, bien sûr, on peut arriver à sélectionner les ions qui nous intéressent, par exemple ceux du sel, à les faire passer, pour enrichir quelque chose de l'autre côté en sel, en injectant donc de l'énergie nous-mêmes. Mais on peut aussi s'amuser à faire changer la fréquence d'oscillation au cours de l'expérience, pour se dire, bah, d'abord, je vais récupérer du sel, puis après, j'ai envie de récupérer autre chose. Et sélectionner donc différents types d'ions en fonction de la vitesse d'oscillation de ce petit clapet. Exactement. Et en fait, ça, pour le moment, ça a été mis vraiment en équation, ça a été proposé, ça a l'air de marcher, on arrive à en faire. Mais maintenant, l'étape suivante pour cette équipe, c'est d'arriver à les mettre en place dans des vrais circuits qui seraient des circuits micro et nanofluidiques, donc sur des puces, pour arriver à tester si on arrive à reproduire la géométrie du rein et à obtenir le même genre de rendement ou pas. Ou bien sûr, le Rhin, c'est vraiment le Graal, c'est a priori le rendement énergétique le plus idéal. Donc ça, ils sont en train d'y travailler à l'Institut Pierre Gilles de Gênes à Paris. Et bien sûr, les perspectives sur le long terme du point de vue médical, ce serait d'arriver à avoir des appareils de dialyse qui utilisent beaucoup moins d'énergie que ceux qu'on a maintenant et qui seraient portatifs, parce qu'actuellement, une dialyse, c'est quelque chose de très pénible pour les patients. Mais ça a aussi une importance pour d'autres phénomènes et d'autres applications. On parlait tout à l'heure aussi d'importance d'avoir des énergies propres en introduction il y a un petit moment déjà. Et en fait, l'osmose, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser, et le filtrage, pour produire de l'énergie. C'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. Mais on peut espérer, si on arrive justement à trier les ions de façon très efficace, arriver à produire l'énergie, entre guillemets, gratuitement, en utilisant ce qu'on appelle l'énergie osmotique en français, mais il y a un terme plus anglais sexy qu'on appelle la « blue energy ». L'énergie osmotique, ça peut être très sexy, je ne vois pas du tout. Effectivement, à partir du moment où il y a conversion d'une énergie chimique en énergie mécanique, on voit tout de suite la possibilité d'appliquer ça pour justement créer de l'énergie. Exactement. Et en fait, juste pour détailler un peu ce que c'est que cette source d'énergie, l'idée, c'est que si on met en contact au travers d'une membrane de l'eau douce et de l'eau salée, ce qui arrive à chaque estuaire, on peut effectivement récupérer la pression osmotique qui était générée à la base pour arriver à en faire de l'énergie. Donc il y a des designs assez vieux maintenant qui pensaient à récupérer par un débordement de l'eau qu'on fait passer dans une turbine. Mais maintenant, en arrivant à faire de la séparation ionique plus efficace, on peut imaginer faire quelque chose de finalement plus malin et arriver à séparer les ions chargés positivement et négativement directement dans la solution par justement des systèmes de petites portes ou de membranes chargées qui arriveraient ainsi à créer un courant électrique directement dans le solvant ou alors à charger des parois de condensateur mais donc à créer directement un courant électrique. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en utilisant plutôt cette méthode que la première, on peut espérer avoir des rendements 1 million de fois meilleurs par unité de surface de membrane qu'on utilise. Donc actuellement, c'est encore en développement, bien sûr. Le problème majeur, c'est qu'on n'arrive pas à faire de gros systèmes de membranes séparatrices. Mais il y a des équipes en France, mais aussi en Suisse, par exemple, qui travaillent activement. Et c'est assez excitant de voir qu'on peut finalement s'inspirer du Rhin pour trouver de meilleures méthodes de filtrage, pour ensuite arriver à produire une énergie propre. Même si, bien sûr, ça pose le même type de problème que d'habitude, où il faut réfléchir à où est-ce qu'on met ça. Et passer au stade industriel, ce qui est encore un autre débat. Merci beaucoup, Mathias. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Le mouton est un animal à poils laineux, certes, et les étudiants en médecine le savent bien, mais cela n'a pas toujours été le cas, car l'ancêtre sauvage du mouton, le mouflon, avait lui le poil rêche, à l'instar de la chèvre sa cousine. Compte tenu de l'importance civilisationnelle, du tissage de la laine, plus simple, plus pratique, plus isolante aussi que le fil de lin, les paléontologues se sont demandé à partir de quand le mouton s'était-il mis à développer sa belle toison laineuse. Et la réponse à cette question pourtant simple, Cécile Estienne, est particulièrement compliquée. Absolument. Parce que la laine ne se conserve pas. C'est donc comme toute substance kératineuse, ça ne se fossilise pas, ça ne se conserve pas. Et que aujourd'hui, en tout cas, les généticiens ne sont pas capables de distinguer dans les gènes du mouton, les gènes du mouton laineux du mouton non laineux. Et donc, même s'ils sont capables de voir que l'ancêtre des moutons actuels laineux, c'est Ovis orientalis qui vient, un mouton d'Asie occidentale qui vient d'Iran aujourd'hui. Et alors du coup, comment procéder, comment trouver finalement cet embranchement phylogénétique qui a fait passer le mouflon du mouton à poils laineux? Eh bien avec plein d'indices archéologiques. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons publié dans ce prochain numéro de Pour la Science un article de Wolfram Scheyer qui est un archéologue à l'Université libre de Berlin et qui dirige justement l'équipe Révolution Textile. Parce que comme vous l'avez dit Nicolas, la laine c'est vraiment une révolution parce que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus isolant que les tissus issus des végétaux comme le lin par exemple ou le raffia. Et comme en plus ça contient aussi de la matière graisseuse, c'est hydrophobe, c'est beaucoup plus isolant, c'est bien plus pratique et ça permet aussi d'être plus facilement tissé et surtout plus facilement teint, de jolies couleurs. Et ça a probablement accompagné la hiérarchisation sociale qui s'est mise en place au néolithique. Et alors du coup, quels sont ces indices quand on est archéologue et qu'on veut comprendre comment on passe? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on pense, on suspecte que le mouflon n'a vraisemblablement, du fait de son poil rêche, pas été du tout domestiqué pour sa laine. Pas du tout. Probablement. Parce que la laine, c'est du poil, en fait. C'est juste que c'est plutôt du duvet. Le duvet, c'est justement ces petits poils qui isolent bien, qui ont tous les mammifères et qui ont tendance à perdre en été. Voilà. Chez les moutons, c'est devenu prolifique. Voilà, et ils les perdent pas en été. Et d'ailleurs, c'est pour cela, comme on le disait hors antenne, que les moutons d'aujourd'hui sont totalement inféodés à l'homme, parce que si on ne les tombe pas, ils meurent, parce que étouffés par leur propre pullover. Donc, retrouver des images très impressionnantes de ce mouton qui s'était perdu, qui avait 40 kilos de laine sur lui. Enfin, c'est effectivement aujourd'hui. Voilà. Et donc, le mouton a très probablement été domestiqué au départ pour la viande et pour le lait. Voilà. Et on pense que pour la laine, ça s'est fait un petit peu par hasard. Quand on a commencé à domestiquer le mouton, on a dû trouver que certains avaient un pelage plus intéressant que d'autres. Et puis, par sélection, enfin, le truc très classique habituel, on a sélectionné la laine. Mais comment savoir, justement, à partir de quand on a vraiment commencé à utiliser la laine, donc quand est apparu le mouton laineux. Alors, on a des indices sûrs, on a des textes en cunéiforme, voilà, et on sait que dans les cités-états de Mésopotamie, au 3e millénaire, l'industrie de la laine était déjà une vraie industrie. C'était vraiment une pré-production économique. On a des textes un petit peu plus anciens du 4e millénaire qui suggèrent qu'il y avait déjà différents tissus, donc voilà, on est sûr qu'il y avait déjà des moutons laineux à cette époque-là, mais probablement, c'est arrivé avant, évidemment. Et, alors, un des indices, c'est les fusaïoles, par exemple. C'est un petit disque aplati qui équipe le fuseau des fileuses ou des fileurs, on ne sait pas trop. Voilà, et qu'on retrouve là, parce que c'est souvent en céramique, et qu'on retrouve dans les couches archéologiques. Et la taille, leur forme, leur poids donnent un indice sur quelle fibre on pouvait tisser. Est-ce que c'était du lin, du raffia, de la laine? Voilà, si c'est petit, assez léger, c'est probablement pour tisser des fibres fines comme celles de la laine. Pour le lin, il faut des fusaïoles beaucoup plus grosses et beaucoup plus épaisses. Donc voilà. Et l'équipe de ces chercheurs a regardé 2500 fusaïoles différentes en provenance de 46 sites archéologiques différents. Voilà. Et voilà, ils ont vu qu'effectivement, en tout cas en Asie, voilà, on filait certainement la laine dès le 5e, voire le 6e millénaire avant notre ère. Donc ça veut dire que ça ferait remonter cette divergence, même avant, parce que pour en arriver à filer la laine, ça veut dire qu'il y a déjà vraiment une sélection très efficace. Absolument. Alors, on a cherché d'autres indices, parce qu'un des intérêts du mouton, effectivement, d'abord, c'est qu'il est très utile pour les populations, puisqu'il fournit et de la viande, et du lait, voilà, et de la laine. Voilà. Et qu'il se nourrit de pas grand-chose. On le sait très bien, voilà, c'est facile à nourrir. Ça se contente, même les moutons aujourd'hui se contentent d'un peu d'herbe, d'un peu de foin et de pierres à lécher pour les minéraux, donc c'est assez facile. Donc les chercheurs ont fait l'hypothèse que probablement les moutons à viande et à lait étaient élevés près des villages parce qu'on en avait besoin rapidement, et puis notamment les produits laitiers ne se conservent pas si bien que ça. En revanche, peut-être que les moutons à laine, on pouvait les envoyer plus loin, comme on le faisait il n'y a pas encore si longtemps, les envoyer en transhumance dans la montagne et puis les faire garder par des bergers. Et voilà. Donc, il fallait chercher des modifications des espaces naturels par les animaux, parce que ça mange pas grand-chose, les moutons peut-être, mais c'est un peu Attila quand même. Voilà. Un mouton passe, il y a plus grand-chose derrière. En tout cas pour la forêt, voilà, l'espoir ne repousse plus derrière les moutons. Et donc voilà, donc s'il y a moins de forêt, on peut supposer que l'érosion du sol était plus forte, et que donc on va retrouver plus de sédiments emportés par les eaux de ruissellement, et qu'on voilà. Et donc ce sont d'autres chercheurs de ces équipes sont allées regarder dans des carottes de forage extraites de différents lacs en Roumanie et en Hongrie, voilà, pour voir ce qu'on retrouvait dedans. Et effectivement, ils ont vu, en analysant les teneurs en carbone et en aluminium, ils ont pu envisager, enfin faire des hypothèses sur effectivement l'érosion des sols qui devait être plus forte à tel moment, et aussi en regardant les pollens, quel type de végétation il pouvait y avoir. Donc bon, alors c'est sans surprise, évidemment, ils ont vu que c'était pas partout pareil. Voilà. Notamment en Roumanie, il n'y a pas eu de transhumance avant l'âge du bronze, vers 1500 avant notre ère. En Hongrie, beaucoup plus tôt, déjà en 3500 avant notre ère, 4e millénaire. Voilà, et on a aussi retrouvé des os, donc effectivement ça permet de savoir qu'il y avait des moutons dans le coin. Et les os disent plein de choses. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, les os, quand on trouve des groupements d'os, les os ne sont pas les mêmes en fonction de l'utilisation que ces civilisations faisaient des moutons. Absolument. Alors, les os, quand on a les os des moutons, on peut parfois, pas toujours, mais parfois, déterminer leur âge, la taille et le sexe. Voilà. Donc, si vous retrouvez beaucoup d'ossements de femelles, vous pouvez vous dire que c'était plutôt pour le lait que pour la laine. Pour la laine, l'idée est d'avoir des moutons assez âgés, parce que vous les avez tondus plusieurs fois, et assez grands pour qu'ils aient le plus de laine possible. Voilà. Voilà. Et pareil, ils se sont penchés sur une banque de données absolument incroyable d'os de mammifères du néolithique, de 2 100 000 os, voilà. Et là-dedans, ils ont retrouvé 67 000 os de moutons. Et ils ont pu voir comme ça, à certains endroits, que effectivement il pouvait y avoir différents types d'élevage de moutons quasiment au même endroit. Par exemple, sur deux villes aujourd'hui en Syrie, chacune d'un côté de l'Euphrate, ils ont bien aperçu que dans un des élevages, c'était très probablement des moutons à laine et de l'autre côté, c'était des brebis pour le lait et les agneaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il est vraisemblable d'ailleurs, d'après cette enquête, que le mouflon aurait été domestiqué à différents endroits, à différentes époques. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de répétition de l'histoire par des gens qui ne se côtoyaient pas vraiment. Oui, après, la diffusion culturelle des choses, c'est toujours très très difficile à établir, voilà. Mais c'est quand même arrivé sur un espace suffisamment restreint, enfin au néolithique, dans le croissant fertile, et c'est parti après en Europe, comme on pouvait s'y attendre. Mais c'est arrivé pour d'autres animaux domestiques aussi, qu'il y ait plusieurs foyers de domestication et que tout se rejoigne à un moment donné. Et si vous voulez en savoir plus sur la domestication, je vous renvoie à l'émission que nous y avions consacrée il n'y a pas longtemps. On a parlé de la domestication des moutons, mais aussi des chevaux, des chiens, des chats, bref, de tous les animaux domestiques. Un mot qui est vraiment intéressant, vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est que effectivement la laine, c'est un gap civilisationnel. L'apparition de la laine, c'est on se rend compte que ça change, vous l'avez dit, les paysages, ça modifie les paysages, ça modifie aussi l'implantation des villages. Cette domestication du mouton, elle a eu une importance vraiment cruciale dans l'évolution humaine. Et oui, des sociétés. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le mouton fournit et de la viande et du lait et de la laine, donc de quoi se vêtir sur un seul animal. Et c'est pas le cas de beaucoup d'autres animaux. Ça coûte pas très cher effectivement à élever, c'est assez facile à élever, donc ça a été vraiment important. Et au niveau des textiles, comme je le disais tout à l'heure, ça a probablement une importance très forte parce que au néolithique est arrivé la hiérarchisation sociale, l'importance de se différencier si vous étiez un prêtre ou un artisan, et le fait que la laine pouvait fournir des tissus faciles à teindre a beaucoup joué à ce moment-là. Voilà, c'est un dossier à retrouver dans le numéro de Pour la science du mois. On termine comme d'habitude par un petit tour de table des choses que vous avez vues, dont nous n'avons pas parlé, qui vous semblent importantes d'évoquer, Mathias. Alors, c'est pas vraiment une actualité scientifique en tant que telle, mais il y a un super livre qui vient de sortir de vulgarisation qui s'appelle La physique de l'élégance, qui est donc écrit par Étienne Guillon, José Vico et Étienne Ressa, donc trois chercheurs à la SPCI qui sont spécialisés des problèmes de la physique de la vie de tous les jours, donc les poils mouillés, etc. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter, Cécile. Bien, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais parler d'un numéro 100 de Cerveau et Psycho, qui est un magazine que je dirige également, qui vient tout juste de sortir, et qui est sur comment la révolution du cerveau va changer nos vies, avec deux prestigieux rédacteurs en chef invités, Christophe André, le psychiatre, et Laurent Cohen, que l'on connaît bien à France Culture, le neurologue. Olivier. À partir du 1er juin, on aura l'œil sur Chicago pour la conférence ASCO, A-S-C-O, consacrée au cancer. Et dans ce type de grand raout qu'on a vu émerger la grande tendance de l'immunothérapie, par exemple, il y a un an ou deux. Et donc on sera attentif à ce qui s'y passera. On aura une journaliste de Science et Avenir qui sera là-bas pour relayer ça sur le site web. Et bien sûr, à ça avec attention. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été autour de cette table ronde. Merci Olivier Lascar en une de Science et Avenir du mois. Alors pour quelques jours encore, le nerf qui fait des miracles. Voilà, et puis on revient, on vous réentendra pour le numéro de juin, Cécile Estienne. Alors le mouton, c'est dans le numéro de juin qui sort la semaine prochaine, et dont la une est sur les sursauts radio rapides, ces étranges signaux venus des confins du cosmos. Et Mathias, au projet Lutetium, la dernière vidéo en date ou la prochaine? Alors la dernière, c'était une foire aux questions dans laquelle on répond aussi à des questions de science avec toute l'équipe pour que vous puissiez la voir. Et les prochaines, ce seront des applications de la microfluidique, même si je ne sais pas exactement quand elles arriveront, mais restez bientôt patients. Eh bien, il faut s'abonner à votre chaîne YouTube sur le projet de Tessia. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Dienab Sangaré à la réalisation, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Sarah Hugement, Céline Lozen, Dominique Saint-Villefranc et Jean-Frédérix à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant. C'est le magazine de la rédaction Combat de femmes de 68 à MeToo par Sophie Delpont. Tout à l'heure, le club du grain à moudre à 18h20 en direct du Bel Air à Radio France, à la maison de la radio. Le voile, une obsession française, c'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, une semaine un peu particulière, parce que nous allons réviser le bac ensemble. Lundi et mardi, on révise la SVT, on parlera d'immunologie, on parlera d'évolution. Mercredi et jeudi, on révise la physique et la chimie, on parlera de particules, on parlera de nouveaux matériaux. Et puis vendredi prochain, une émission fiction où nous parlerons d'afrofuturisme en recevant une auteure, Nnedi Okorafor, qui publie « Qui a peur de la mort ?» chez ActuSF, un magnifique livre d'afrofuturisme dans la lignée de Black Panther, mais en plus noir, et qui va bientôt être adapté en série sur la chaîne HBO. Voilà, demain à 16h, c'est la conversation scientifique d'Étienne Klein, comme tous les samedis. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.